Le nouveau magasin Canadian Tire du secteur de Dolbeau vous invite à venir voir le plus grand choix de pneus d'hiver avec toutes les marques à des prix imbattables. De plus, nous vous invitons à voir nos spéciaux dans la circulaire Publisac distribuée tous les mardis. Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-2385. Le propriétaire du magasin Canadian Tire, Monsieur Ken Bennett, vous invite à acheter localement pour préserver nos emplois chez nous. On va parler de football avec notre ami Serge Bouchard. Deux matchs pour l'équipe de son équipe de Chougamau. Salut Serge. Salut Danny. Serge, les Faucons Chantiers Chougamau jouaient au niveau Benjamin, victoire de 19-13. Ça s'est déroulé contre les Lynx. Ouais, mais c'est pas une victoire, c'est une défaite. Une défaite plutôt. Qu'on avait très bien. On avait très bien commencé là, dès le premier jeu du match, on avait marqué un touché, donc. Je pense que c'est un peu ça qui nous a causé à peu près ça là, du tort, c'est que les joueurs ont pensé que ça allait être facile ce match-là. Et c'est sûr que les Lynx se sont réajustés. Ils mettaient beaucoup de pression sur notre carrière, donc on a de la misère à pouvoir compléter nos jeux. C'était, on a monté une bonne équipe. Puis, c'était quand même un excellent match. Là. C'était 13-13, là, une bonne partie du match. Puis à la fin, là, il nous a manqué peut-être deux minutes là, pour pouvoir remonter parce qu'on avait le ballon. Puis, je pense que c'est un excellent match. On avait de l'opposition, puis c'était bien. Je pense que les jeunes ont beaucoup appris de ce match-là. OK. Donc 19-13 à ce match-là. Le toucher, as-tu eu un toucher du côté de Chougamau? Ouais, ben il y en a eu deux touchés. Le premier, c'est Tommy Vallière qui sur une belle course, une longue course là, d'environ une cinquantaine de verges, donc dès le début du match. Et un peu plus tard au troisième quart, c'est Thomas Dallaire, lui aussi sur une belle course, une course du corps arrière. Donc c'est nos deux touchés là qu'on a réussi à faire dans le match. OK. Et au niveau juvénile, c'était à Saint-Félicien, 45-0. Moi, j'ai été surpris de voir ça. Écoute, le juvénile, c'est quand même... Saint-Félicien, normalement, c'est fort. 45-0? Oh. Ouais, ben, il faut comprendre là, que Saint-Félicien ont deux équipes juvéniles. Là. Il y en a une dans la division 2, dans la ligue là avec qui regroupe les équipes de Québec, les Lynx et les Mustangs, donc puis ils ont une autre équipe en division 3, donc des joueurs un peu moins expérimentés, des joueurs de secondaire 3 et quelques autres joueurs de secondaire 4-5 là qui ne voulaient pas aller jouer dans cette ligue-là en division 2. Donc c'est sûr que leur calibre là, est moins fort, mais au moins ça permet à des jeunes de jouer au football. Puis comme je te dis, nous, c'est 45-0, mais ça aurait pu être un écart là, beaucoup plus grand. Dès le premier quart, là, c'était 28-0. Puis là, on a fait jouer beaucoup aussi nous secondaires. Ouais. Parce que, de toute façon, je pense que, heureusement, les Centurions ont fait deux équipes. Ça nous a permis d'avoir une quatrième équipe dans la Ligue. Pour avoir une Ligue, justement. Donc, faut en prendre conscience. Puis faut s'ajuster pour permettre aux jeunes de jouer et d'avoir du plaisir quand même. Ben oui, 45-0. Mais pour l'équipe de Saint-Félicien, ça ne doit pas être le fun, par exemple? Ben, j'imagine que non, mais je pense que les autres sont au courant des objectifs. Je suis assuré que Kevin Tremblay les prépare de la bonne façon. Puis il leur explique que là, cette année, c'est une année plus difficile, étant donné qu'ils sont plus jeunes. Ouais. Parce qu'ont connu quand même un match de 29-14, je crois, contre Sept-Îles. Ils ont perdu 52-0 contre Charles Gravel. Donc, je pense que les 20 jeunes qui étaient là avaient l'air contents d'être là. Ils veulent s'amuser, ils veulent jouer au football. Donc, quand les objectifs sont compris de tout le monde, je pense que tu peux passer quand même à travers une courte saison quand même, là, 3 matchs de saison régulière plus les séries. Ouais, donc c'est pas des grandes saisons de 10 matchs là, à un moment donné le découragement devient plus intense là, de semaine en semaine. Ouais. Qu'est-ce qui se passe en fin de semaine pour votre équipe? En fin de semaine, les deux demi-finales, on rentre en série. Les deux demi-finales sont présentées à Chicago dimanche le 22 octobre. À 10h30, on revient contre les Centurions de Saint-Félicien. Eux, ils ont fini quatrième. Nous, on a fini premier dans le juvénile. Ensuite, à 14h, puisqu'on a terminé deuxième, là, étant donné notre défaite contre les Lynx, on va affronter les Cyclones de Charles Gravel. Donc, c'est les deux matchs là, qui nous attendent pour la petite. OK. Serge, on s'en reparle la semaine prochaine? Oui, il n'y a pas de problème. Serge Bouchard, l'instructeur-chef des Faucons Chantiers de Chibougamau.